franceinter.com. Surprise, Monsieur X a choisi cette semaine de me parler de sport. Et j'avoue que sur le moment, je n'ai pas très bien compris, tant le sport me paraît éloigné des préoccupations habituelles de mon interlocuteur. Cependant, mon étonnement a été de courte durée. Il s'est en effet proposé d'ouvrir un dossier bien sulfureux, celui d'un homme qui, malgré un passé politique ô combien contestable, a régné pendant 20 ans sur le sport international, imposé des mutations irréversibles et a peut-être entretenu des relations coupables avec le monde du renseignement. Mais, comme dirait M. X, n'allons pas trop vite. Cet homme, c'est Juan Antonio Samaranch, l'ancien patron du Comité international olympique. Le marquis Samaranch, puisqu'il a été anobli par le roi Juan Carlos. Et pour commencer, je n'ai pas trouvé mieux que ces quelques lignes écrites à l'annonce de son décès par le journaliste Sylvain Sipel dans Le Monde du 24 avril 2010. Je cite. D'une ambition et d'un orgueil extrême, fou de politique, grand séducteur, il était aussi fidèle en amitié jusque dans ses relations les moins honorables. Un Espagnol florentin comme personne, pas d'une intelligence fulgurante, mais profonde. C'était un lent, mais d'une habileté diabolique, disait de lui un vieux complice, le journaliste Andrés Merche Varela. Sa maxime préférée, le meilleur moyen de gagner une bataille est souvent de ne pas la livrer. Juan Antonio Samaranch, a dit Maurice Herzog, qui fut ministre des Sports du général de Gaulle, avait un don pour juguler toute opposition. Sa force était d'embrasser ses ennemis pour les paralyser sans les étouffer. Dans les milieux sportifs français, on l'avait surnommé Samarange. Dans un instant, donc, retour sur l'étonnant parcours de ce curieux personnage et les zones d'ombre qui demeurent autour de son existence. Boy, mon nom c'est Smokey. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis. Pour donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. La route est longue à ce qu'on dit. Pour plaire au monde et à n'importe qui. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâche, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nom. Me donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. J'ai rendu à mes amplis pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Le soleil plombe et les girls sont faciles. Dans la pénombre, préférer les dociles. Je veux toujours moins en faire. C'est clair, c'est clair. Allonge du cash pour se manquer. Autant que je sache, c'est une bonne thérapie. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport. qu'il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. Tranquille. Un mot d'esprit d'abord à propos de Samaranch. L'un de vos confrères de Télérama l'a appelé le Seigneur des Anneaux. Seigneur, S-A-I-G-N-E-R. Ah oui, les anneaux, symbole de l'olympisme. Et ouais. Le terme employé, Seigneur, exprime bien la pensée de votre confrère qui accuse Samaranch d'avoir massacré les Jeux Olympiques. En fait, j'y reviendrai. Deuxième observation, qui en dit long sur le personnage. Dans sa vie, Samaranch avait une date fétiche. Le 17 juillet. Quelle signification, là ? C'est un 17 juillet que le général Franco avait lancé son mouvement de rébellion contre la République espagnole. Ouais. Le 17 juillet 36. Et ça veut dire que sa vie durant, Samaranch a été fidèle au franquisme. Et de mon point de vue, on ne peut que le déplorer. Surtout quand on pense à l'idéal olympique qui prêche la paix et la fraternité. Est-ce que ça veut dire que l'accession d'un homme d'extrême droite à la direction du plus important mouvement sportif international dissimule quelques mystères ? Je ne suis pas loin de le penser. Alors voyons d'où vient Juan Antonio Samaranch. Il est né à Barcelone en 1920. Son père a fait fortune dans l'industrie textile. Une jeunesse dorée, donc. Oui, oui. Et Samaranch est assez peu intéressé par les études et bien plus par les plaisirs des nuits catalanes. Bref, il s'amuse beaucoup et multiplie les conquêtes féminines. Mais dans ses soirées chics, il est aussi amené à fréquenter des gens qui vont bientôt faire partie de la fine fleur de la jeunesse franquiste. Est-ce que le sport joue déjà un rôle dans sa vie ? Chez lui, c'est déjà une passion. Il pratique lui-même ? Il joue un peu au football, participe à quelques combats de boxe, mais c'est dans un sport beaucoup plus confidentiel qu'il va s'illustrer. Le rink hockey. Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes comme moi, avant de m'intéresser à Samaranch, je n'avais jamais entendu parler de cette discipline sportive. Mais je ne suis pas un spécialiste. Alors, le rink hockey, c'est du hockey qui se pratique avec des patins à roulettes. Ah oui. Mais enfin, ne m'en demandez pas plus. Et vous m'avez dit qu'il s'illustre dans ce sport. Son équipe gagnera même une médaille d'or dans des championnats du monde. Mais il écrit aussi des articles sur ce sport dans la presse franquiste. Il est déjà engagé politiquement ? Il n'a pas de carte, mais c'est un sympathisant. Et c'est d'ailleurs par le biais du sport qu'il va approcher le monde politique. Au début des années 50, alors que devenu entraîneur national de l'équipe espagnole de rink hockey, il remporte un nouveau titre. On le récompense en le nommant conseiller municipal de Barcelone. Drôle de mélange. Mais qui satisfait l'appétit de pouvoir du jeune homme. Samaranch veut être à tout prix reconnu. Et il a une haute idée de sa propre valeur. Et il grimpe les marches à toute vitesse. Dès ces années-là, il devient vice-président du comité olympique espagnol. Et presque forcément, s'il veut encore aller plus haut, il doit prendre sa carte du parti franquiste, le Movimiento. Il est donc maintenant franchement engagé. Et parallèlement à sa montée en puissance dans le mouvement sportif international, il amorce aussi son ascension dans le monde politique. Dans les années 60, il devient délégué national pour le sport, c'est-à-dire pratiquement secrétaire d'État au sport. En même temps, il est élu procureur au Cortés. Député. Oui. Et il est également nommé conseiller national du Movimiento. Entre-temps, il a fait un très beau mariage avec une riche héritière. Donc tout va très bien pour lui. On peut voir les choses comme ça. Mais je reviens, moi, à la question de son engagement politique, là. A-t-il adhéré par opportunisme ou bien a-t-il été un franquiste zélé ? Bien sûr, après la disparition de Franco et surtout son élection à la tête du CIO, il essaiera de minorer son rôle en affirmant qu'il n'a été au fond qu'un exécutant. Ça a été aussi la défense de tous les collaborateurs des régimes fascistes. Mais après son départ du CIO en 2001, il reconnaîtra toutefois qu'il a toujours été fidèle à Franco, dont il continue, comme par le passé, à penser le plus grand bien. Il ne faut pas oublier qu'en 1973, à l'occasion de sa nomination à la présidence catalane, il affirmera sa loyauté absolue au Caudillo. Et Un tout petit peu plus tard, il commémorera la victoire des franquistes à Barcelone en saluant la main tendue. Et il est intéressant de noter qu'à ce moment-là, il est déjà vice-président du Comité international olympique. Mmh. Réaction dans le mouvement sportif ? Oh ben, personne n'y a trouvé à redire. Mmh. Autre chose, lorsque le militant libertaire, puis Antiche, sera condamné à mort, plusieurs personnalités catalanes demanderont sa grâce. Mais Samaranch, président de la région, se gardera bien de se manifester. Et puis Antiche sera garrotté au début de 1974. Bien, bah, je crois que j'ai compris. Hein. Ah, il faut aussi mentionner que Samaranch s'est débrouillé pour être proche de la famille du Caudillo. Il est en particulier très lié à sa fille, Carmen. Ça peut aider. Alors, sa carrière maintenant dans le mouvement sportif. Pour bien comprendre, il faut d'abord que je vous explique comment fonctionne le CIO et surtout... comment il est composé ? Allez-y, parce que je n'en ai aucune idée. Le CIO a longtemps été une assemblée de quelques dizaines de membres, généralement choisis dans la grande bourgeoisie et surtout l'aristocratie. Oui, depuis Pierre de Coubertin. Qui a été président du CIO pendant presque 30 ans, oui. On y trouve donc des rejetons des familles royales européennes, des grands patrons et quelques ambassadeurs. Et aussi quelques membres d'honneur, comme Giovanni Anelli ou Henry Kissinger. Des gens qui, a priori, n'ont pas grand rapport avec le sport. Hein. Et ces membres, alors, comment sont-ils choisis ? Ils sont cooptés. Enfin, naturellement, les comités nationaux proposent des candidatures. Toutefois, généralement, c'est le président qui soumet ses noms à l'approbation du comité. Généralement, le président a le dernier mot. Est-ce qu'il y a des pressions politiques ? C'est évident. Les grands de ce monde essaient... ainsi de récompenser certains sportifs méritants. Ainsi que Jacques Chirac, par exemple, a demandé l'admission de Guy Drut. Et Boris Eltsine a pu y faire entrer son professeur de tennis. Donc tout cela n'est pas fondamentalement démocratique. Hein. Chacun est libre de juger. Mais il est vrai que sous la présidence de Samaranch, on verra arriver quelques personnages douteux. Essentiellement des affairistes, dont certains étaient liés à Moscou. Mais n'allons pas trop vite. Alors, je reviens à ma question là. Samaranch grimpe-t-il les échelons au sein du mouvement sportif ? Samaranch, qui occupe maintenant des fonctions officielles dans son pays, est candidat pour entrer au CIO en 1966. Le président est alors un Américain de Chicago, Avery Brundage. Ancien athlète, il a fait fortune dans le bâtiment et il a aussi réuni une importante collection d'œuvres d'art. J'ajoute, et c'est important, que cet homme d'ordre, très autoritaire, est un conservateur pur sucre. Ah, et qui risque donc de bien s'entendre avec Samaranch. C'est certain. En tout cas, l'Espagnol procède habilement. Il a déjà posé ses jalons depuis plusieurs années et il a, par exemple, invité les époux Brundage à séjourner dans la très belle villa qu'il possède sur la Costa Brava. Et en 1965, lorsque le CIO tient sa session annuelle à Madrid, une session ouverte par Franco en personne, il peaufine sa campagne auprès de Brundage et des autres délégués. Et c'est donc en 1966 qu'il est officiellement candidat. Oui, parce qu'il y a une place vacante au comité. Alors comment ça se passe là ? Pas très bien. Des membres du comité se montrent très hostiles à sa candidature. À cause de ses engagements politiques ? Ah bah pas du tout, non. Ce qui gêne les gens du CIO, c'est que l'Espagne, qui est alors un médiocre pays sportif, possède déjà un représentant au comité. Lui en donner un deuxième serait donc extravagant, alors que des pays qui ont déjà organisé les Jeux n'en ont qu'un. C'est donc l'échec, alors ? Eh bien non, parce que Brundage impose son favori et le comité s'incline. Samaranch est élu à une très faible majorité. Ah oui, ça a été juste. Oui, mais désormais, l'Espagnol est dans la place et n'a pas l'intention d'en rester là. Pourquoi Avery Brundage a-t-il pesé de tout son poids pour faire élire Samaranch au CIO ? Trois journalistes sportifs, dont l'ancien spécialiste de l'AFP Raymond Pointu, esquissent une réponse dans un ouvrage très décapant, « L'héritage trahi », paru en 1994, extrait. qu'avait bien pu discerner Brundage en ce jeune espagnol franquiste, dont il fit la connaissance à l'époque où Dwight Eisenhower apporta la caution de la démocratie américaine à Franco. Quel besoin impérieux avait poussé le vieux lunatique de Chicago à imposer son entrée au CIO. Probablement le pressentiment, parmi bien d'autres raisons, que le club avait besoin de quelqu'un de méticuleux et d'efficace qui accepterait de se salir les mains dans les affaires d'argent pour que les autres membres les gardent propres. Au sein du CIO, est-ce que Samaranch se voit confier une mission particulière ? Il aspire à faire carrière dans l'olympisme. Donc, il n'est pas décidé à jouer les utilités. C'est d'autant plus facile que dans ce club de gentlemen, on ne se bouscule pas pour revendiquer les responsabilités. Et assez rapidement, Brundage lui confie une tâche qui lui va comme un gant, le protocole. C'est-à-dire ? Samaranch est chargé de l'organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques. Et pour ce franquiste épris d'ordre et de discipline, il y a là matière à montrer sa compétence. Il réglemente, impose aux athlètes quelques mesures strictes. Des exemples ? Lors des défilés, des délégations, il leur est ainsi interdit d'agiter les mouchoirs, de rompre les rangs ou de prendre des photographies. Et c'est une sorte de militarisation. Il y a de ça, oui. Samaranch adore les parades militaires, c'est plus fort que lui. Et il considère que les athlètes doivent être exemplaires. Samaranch donne une première preuve de son savoir-faire lors des Jeux de Mexico. Ah ça, c'est les Jeux de la colère, comme on les a appelés. Hein. Oui, personne n'a oublié les poings levés gantés noirs de deux athlètes afro-américains sur le podium au moment où retentit l'hymne des États-Unis. Ouais. Ils veulent symboliquement déclarer leur solidarité avec le Black Power. Hein. Et pour les autorités olympiques, c'est un véritable scandale. Ah, mais ces athlètes seront d'ailleurs exclus des Jeux. Hein. Et Samaranch ne sera pas le dernier à demander des sanctions. En tout cas, l'activisme de l'Espagnol lui permet de devenir peu à peu l'une des pièces maîtresses du mouvement olympique. Brundage lâche les rênes en 1972 et l'Irlandais Lord Killanin lui succède. Ça ne change rien pour Samaranch qui est nommé à la commission exécutive et en 1974 accède à la vice-présidence du CIO. Mais il faut dire, pour expliquer cette ascension fulgurante, que Samaranch s'est trouvé un allié de poids. L'homme le plus influent dans le monde du sport. C'est qui ça ? Horst Dassler, le patron d'Adidas. C'est lui qui, dans l'ombre, tire les ficelles. Et manifestement, il a misé sur Juan Antonio Samaranch. En vue de la succession à la présidence. En effet. Ouais. Samaranch a-t-il pour autant mis de côté ses activités politiques en Espagne ? Ah, pas du tout. Je vous ai dit qu'en 1973, Franco l'avait nommé à la tête de la région catalane. Ouais, un poste très important. Hein. L'un des tout premiers du pays. Et au même moment, Franco s'est choisi un nouveau premier ministre, l'amiral Carrero Blanco. Ah ça, c'est un homme à poigne. Hein. Et l'un des hommes politiques les plus réactionnaires du pays, les plus sanguinaires aussi. Mais vous le savez, quelques jours avant Noël, il est victime d'un attentat meurtrier revendiqué par l'organisation clandestine basque ETA. Et c'est le début d'une impitoyable répression. On arrête, on tue, on torture. Et Samaranch, éminent dirigeant espagnol, mais aussi vice-président du CIO, est partie prenante, au moins pour la Catalogne, de cette politique répressive. Il ne prend aucune distance. Non, bien au contraire. Il rend hommage à Carrero Blanco, l'un des grands hommes de ce siècle, selon lui. Et en 1975, alors que Franco se meurt, il préside une cérémonie en uniforme de la phalange, le bras tendu. Ce qui est étonnant, enfin ce qui m'étonne en tout cas, c'est que le CIO ne s'émeuve pas. C'est bien ça. En effet, on peut accepter sinon organiser la répression politique dans son pays tout en étant une figure éminente du mouvement olympique. Aucune incompatibilité. Et notez bien qu'il en va de même pour tous les dirigeants du mouvement olympique issus de pays dictatoriaux. À commencer bien sûr par les pays du bloc communiste, où les délégués sont forcément des apparatchiks. Après la mort de Franco, enfin, j'imagine que la carrière politique de Samaranch va se terminer. D'autant qu'avec le retour de la démocratie, il n'a pas gagné en popularité chez lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il est toujours à la tête de la région catalane ? Oui. Mais en 1977, à Barcelone, 100 000 nationalistes catalans s'en prennent à lui. Mais il va brillamment retomber sur ses pieds. En cette même année, 1977, abandonnant la politique intérieure, il devient ambassadeur d'Espagne à Moscou. Ah, et encore un poste prestigieux. Et comment est-il arrivé là? C'est lui qui aurait intrigué auprès du roi Juan Carlos pour se faire nommer. Mais il faut aussi reconnaître que l'exfiltration de Samaranch à Moscou devait arranger le gouvernement espagnol pour lequel le président de la région catalane devenait très encombrant. Bon débarras, quoi. Enfin, c'est quand même une sorte de promotion. Dans ce premier gouvernement démocratique de l'après-Franco, Samaranch avait des amis. La rupture avec le franquisme n'était pas encore vraiment consommée. Et au CIO, alors, que pense-t-on de cette nomination? On se réjouit. Parce que les Jeux Olympiques de 1980 doivent avoir lieu à Moscou. Le comité va donc avoir un homme sur place pour veiller à la bonne organisation de ces Jeux. Or, l'URSS, à cause de son système bureaucratique, a pris du retard. Samaranch, ambassadeur, à Moscou, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et d'abord pour Samaranch, qui espère bien profiter de ce tremplin pour accéder à la plus haute marche du podium. Ouais. La présidence du CIO. Bien entendu. Mais quand même, voir un fasciste convaincu qui a toujours combattu les Rouges devenir ambassadeur dans un pays communiste est curieux, non? Pas tant que ça. Après tout, Samaranch a déjà l'expérience du fonctionnement d'un régime totalitaire. Il est donc très bien placé pour s'entendre avec les dirigeants soviétiques. Et ça va être le cas? Effectivement. Samaranch ne tarde pas à s'insinuer dans les bonnes grâces des hiérarques du Kremlin. Il organise dans son ambassade des réceptions fasteuses pour ses nouveaux amis. Et puis, il est toujours prêt à arrondir les angles. C'est-à-dire ça? Un seul exemple. À l'occasion d'une visite à Moscou du ministre espagnol des Affaires étrangères, on découvre que l'ambassade a été truffée de micros. Aussitôt, le dit ministre monte sur ses grands chevaux, menace de faire un scandale. Mais Samaranch le calme. Les soviétiques nous écoutent. Eh bien, restons silencieux. Oui, c'est malin. Mais est-ce que ça suffit à éviter un grave incident diplomatique? Parfaitement. Samaranch a mis en avant que la dénonciation de cette pratique assez ordinaire des autorités soviétiques ne méritait pas une détérioration durable et néfaste des relations entre les deux pays. Ouais, et c'est un franquiste qui dit ça. Oui, mais un franquiste qui ne pense qu'à une chose, la présidence du CIO, et qui sait que le moment venu, il aura besoin des votes des représentants des pays de l'Est au sein du comité. Donc il faut tout faire pour ne pas fâcher Moscou. Exactement. Et on a bientôt une preuve éclatante que l'ambassadeur d'Espagne a noué des relations très cordiales avec le Kremlin. Après la découverte d'une affaire d'espionnage, Madrid expulse quelques diplomates soviétiques un peu trop curieux. D'habitude, dans ce genre d'affaires, Moscou a l'habitude de procéder à des représailles. Oui, en exigeant à son tour le départ d'un nombre égal de diplomates du pays qui a expulsé. Bien sûr. Mais là, rien. Les soviétiques protestent, mais c'est tout. Grâce à Samaranch? C'est évident. Ouais. Et en 1979, alors, lorsque l'armée rouge envahit l'Afghanistan, Samaranch est toujours en poste à Moscou. Et pour lui, c'est une véritable tuile. Expliquez-moi. Le président américain, Jimmy Carter, condamne avec la plus grande fermeté cette invasion militaire. Il décide de mesures de rétorsion. Et d'abord, il demande à tous les pays membres de l'OTAN de boycotter les prochains Jeux Olympiques de Moscou. Madrid ne peut faire autrement que de s'aligner sur cette position. Alors pour Samaranch, c'est catastrophique. Oui, parce que ça signifie qu'il ne pourra plus compter sur les votes des représentants des pays de l'Est au CIO. Donc il va tout faire pour que le gouvernement espagnol révise sa position? Évidemment. Et aussitôt, il file à Madrid. Mais les autorités espagnoles demeurent inflexibles. Il n'est pas question de déroger à la fidélité occidentale. C'est d'autant plus vrai que la jeune démocratie espagnole a besoin de l'aide des États-Unis. Alors, il est coincé, là. Que peut-il faire? Il va ruser. Il entreprend une véritable campagne au sein du Comité olympique espagnol, où il a tissé de précieuses et vieilles amitiés. Et finalement, il arrive à persuader ses dirigeants de refuser le boycott ordonné par le gouvernement. Et c'est possible? Les comités nationaux sont en principe indépendants des pouvoirs politiques, au moins dans les pays démocratiques. Donc les sportifs espagnols participeront aux JO de Moscou. Et Samaranch ne doute pas que les soviétiques sauront lui exprimer leur reconnaissance lors de l'élection du futur président du CIO. Donc il a sauvé sa candidature. Cependant, ce que l'on ne sait pas à l'époque, c'est que les dés sont pipés. Certes, dans cette affaire, Samaranch a d'abord pensé à ses propres ambitions, mais il a aussi tout fait pour satisfaire Moscou. Pour quelle raison, alors? Parce que Juan Antonio Samaranch est déjà dans les mains du KGB à qui il n'a rien à refuser. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Nous allons bien sûr revenir sur cette dernière allégation de Monsieur X. Auparavant, il faut aussi bien dire que Sam Aranche a réuni dans sa main tous les atouts pour être enfin élu à la tête du CIO. Illustration. Dans ces quelques lignes piochées dans une notice nécrologique parue dans l'Équipe en avril 2010. À Moscou, rue Paliashvili, dans sa résidence décorée de tableaux de Dali et de Miro, le Catalan allait préparer son arrivée à la tête du CIO. Il s'assura autant les faveurs du bloc soviétique que l'amitié de l'Allemand Horst Dassler, le tout-puissant patron d'Adidas. Ce dernier, qui supportait déjà Hao Avalanche, le patron du football mondial, et qui aidera aussi plus tard l'ascension de Primo Nebbiolo, l'impérateur de l'athlétisme, apporta à Sam Aranche les voix du tiers-monde et de quelques pays amis. Juan Antonio Sam Aranche ne pouvait être battu au point que Dassler lui annonça le résultat exact du vote la veille du scrutin, le 16 juillet 1980, à Moscou. Alors, si je vous ai bien entendu, Sam Aranche, le zélateur de Franco, serait devenu un agent du KGB. Ah, je n'ai pas dit exactement cela. Sam Aranche n'a jamais été un espion, au sens propre du terme. Mais il aurait été au moins un agent d'influence, et même, à l'occasion, un instrument actif au service des soviétiques. Pour bien comprendre, il faut d'abord expliquer ce que représentait le sport pour les dirigeants des pays de l'Est. Oui, un outil de propagande. Bien entendu. Les compétitions sportives devaient apporter la preuve de la supériorité du système communiste. Et pour remplir cet objectif, rien ne devait être négligé. Ça explique le dopage systématique des athlètes des pays de l'Est. Systématique, oui, vous avez raison. Car ce sont des laboratoires créés par les différents États communistes qui ont mis au point les substances chimiques susceptibles de faire gagner les champions de l'Est. Quitte, on le sait maintenant, à sacrifier la santé des athlètes. Oui, mais enfin, ça, c'était un effet collatéral dont on se moquait parfaitement. L'essentiel était de gagner. Alors, dans cette mesure, les dirigeants de l'Est ont été des pionniers, non ? Et ils ont ensuite été malheureusement bien imités à l'Ouest. Est-ce que la prise en main de Sam Aranche, là, par le KGB, si je vous ai bien compris, a joué un rôle dans ce domaine? Bon, on peut simplement noter que malgré ses grandes déclarations contre le dopage, le CIO dirigé par Samaranch ne donnera pas l'impression de mener une lutte décisive contre cette pratique. Mais pour Moscou, cette question n'était pas primordiale dans le recrutement du Catalan. Alors, quel était le véritable intérêt des Soviétiques? Et surtout, si recrutement il y a eu, comment s'est-il opéré? Un petit peu de patience et je répondrai à ces deux questions. Voyons d'abord les conditions de l'élection de Samaranch. En 1980. 1980, année des Jeux Olympiques de Moscou. Et pour Samaranch, c'est un vrai casse-tête. Expliquez-moi. Il porte alors deux casquettes. Il est à la fois membre du CIO et candidat à la présidence, mais il est aussi ambassadeur d'Espagne. Et son ministre lui a interdit de participer à toutes les cérémonies olympiques. À cause du boycott décidé par Madrid. Comment s'en sort-il? Une nouvelle fois, il essaie de ruser. S'il assiste aux cérémonies olympiques protocolaires, ce n'est pas en tant qu'ambassadeur, mais comme membre de la commission exécutive des Jeux olympiques. Et d'ailleurs, il s'est mis en quelque sorte en congé de l'ambassade en confiant les clés de la maison à l'attaché commercial. D'accord, mais enfin, ce subterfuge-là ne peut tromper personne. Et surtout pas son ministre, qui menace de l'évincer de son poste. Il faut choisir. Et il a tellement envie de devenir président du CIO qu'il passe outre aux ordres de son ministre. Ça doit pourtant lui coûter. Car Samaranch apprécie les honneurs au plus haut point et il savoure ce titre d'excellence dont on le gratifie. C'est si vrai que même ensuite, il exigera de continuer à être appelé ainsi. Excellence à vie. C'est ça. En tout cas, il a donc choisi. Alors, son élection? Le boycott l'aide bien. Le représentant de l'Allemagne fédérale aurait pu être candidat. Mais la RFA ayant décidé de boycotter les Jeux olympiques de Moscou, il est ipso facto hors jeu. Donc Samaranch n'a pas de concurrent sérieux, c'est ce que vous voulez dire? En effet. En outre, je vous l'ai dit, le patron d'Adidas le soutient activement et rallie à lui les votes africains et asiatiques. En achetant des délégués? Ou au moins en payant leurs billets d'avion pour Moscou. Et ici, il faut observer qu'un personnage qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans l'affaire Elf va aussi beaucoup s'agiter en faveur de Samaranch. Un personnage de l'affaire Elf, qui là? André Guelfi. Ah, Dédé la Sardine. Lui-même. Guelfi était devenu un homme influent dans le monde sportif depuis qu'il avait racheté le coq sportif. Et par ailleurs, il entretenait d'excellentes relations avec les dirigeants d'Europe de l'Est. Ouais. Ah bon. Donc, par conséquent, Samaranch va être confortablement élu. J'ajoute que la Française, Monique Berliou, qui était alors la directrice générale du CIO, a aussi milité activement en faveur du Catalan. Ce dont Samaranch ne lui sera guère reconnaissant, puisqu'en 1985, il la vira. Donc, Juan Antonio Samaranch est élu. Et il sera réélu par acclamation en 1985, en 1989, 93 et 97. Au total, il va régner 21 ans sur le mouvement olympique. Et s'il se retire en 2001, c'est qu'il a depuis longtemps dépassé la limite d'âge. En fait, la présidence du comité olympique est rémunérée? Samaranch, lui, choisit d'être bénévole. Mais il bénéficie de frais de représentation illimités. Ah oui, quand même. En outre, pendant sa présidence, il exercera des fonctions très rémunératrices dans une grosse banque espagnole, même s'il affirme exercer son mandat de président à plein temps. Alors, avant d'en venir à la question qui, je le vois bien, vous taraude, celle de ses rapports avec le KGB, je vous propose de voir comment le CIO va évoluer sous la présidence de Samaranch. Je vous écoute. Eh bien, disons-le tout de suite, sous ses 20 ans de règne, le CIO connaît une véritable révolution. Pas moins. Absolument. Et pour simplifier, Samaranch sera le président qui permettra à l'argent de faire une entrée en force dans l'olympisme. Et concrètement, alors, ça se traduit comment? C'est très simple. Les Jeux olympiques deviennent une machine à faire de l'argent. Toujours plus d'argent. Et ça a commencé au milieu des années 80 avec la création d'une commission spéciale au sein du CIO. Un organisme chargé de vendre les Jeux aux grandes multinationales. En leur permettant de sponsoriser les JO. Et ça va prendre des proportions colossales. D'Olympiade en Olympiade, les budgets du marketing vont exploser. En 2008, pour les Jeux de Pékin, ces opérations vont ainsi permettre de drainer pas loin de 2 milliards de dollars. Mais est-ce que la charte olympique, là, établie par Pierre de Coubertin, permettait cette commercialisation? Absolument pas. Il était même spécifié que l'emploi du drapeau, du symbole, de la flamme et de la devise olympique ne pouvait donner lieu à des opérations de nature commerciale. Alors comment a-t-on pu transgresser cet interdit? C'est très simple. Samaranch a fait ajouter 4 mots à cet article. sauf pour le CIO. Et le tour a été joué. Et ce sont maintenant les multinationales qui jouent le premier rôle. C'est si vrai qu'en 1990, pour les Jeux d'été, c'est la ville d'Atlanta qui a été préférée à Athènes. Ouais, pour la seule raison qu'on y trouve le siège de Coca-Cola. Bien sûr. Il me faudrait encore vous parler des droits de retransmission pour les télévisions qui atteignent aujourd'hui des records. Enfin, il ne faut pas oublier l'autre révolution introduite par Samaranch. Et c'est une conséquence directe de ce qui précède. C'est quoi alors ? La fin de l'amateurisme, tout simplement. Et là encore, c'est en contradiction formelle avec ce que voulait Coubertin lorsqu'il a réinventé les Jeux Olympiques à la fin du 19e siècle. Alors, peut-être pouvez-vous enfin aborder le chapitre des relations supposées entre Samaranch et le KGB ? Je veux d'abord dire que je n'invente rien. Ce sont deux Russes qui ont vendu la mèche après l'implosion de l'URSS. L'un est un historien, Yuri Felsinski, et l'autre, Vladimir Popov, était lieutenant-colonel du KGB. Des sources sérieuses ? Je le pense. Alors, première question, quand et comment Samaranch a-t-il été recruté ? Le Catalan a été approché par le KGB lorsqu'il était ambassadeur à Moscou, donc à partir de 1977. La centrale soviétique le surveillait comme elle surveillait tous les diplomates en poste dans les pays de l'Est. L'objectif étant de détecter éventuellement une faille dans son comportement. Ouais, pour ensuite le faire chanter. Bien évidemment. Ouais. Un procédé très classique, le plus simple consistant à compromettre sexuellement ses cibles. Vous vous souvenez sans doute de la malheureuse aventure de cet ambassadeur français qui a été ainsi piégé. Oui, deux gens, oui. On couche deux gens, avait dit le général. Et à propos de Samaranch, alors, quelle faille a-t-on découvert ? Samaranch, lui, avait une prédilection, non pas pour les hirondelles de Moscou, mais pour les icônes. Et il a commis la faute d'en acheter beaucoup, et surtout, de les envoyer en Espagne en fraude. Par la valise diplomatique ? Très certainement. Ouais. Or, le commerce et le trafic de ces objets précieux étaient interdits. Et sous l'ère soviétique, c'était même le KGB qui était chargé de veiller à ce que les antiquités ne quittent pas frauduleusement le territoire soviétique. La suite, vous la devinez. Samaranch a été pris sur le fait, accusé de contrebande, il risquait gros. Et si ses activités clandestines étaient révélées dans la presse, bah c'était le déshonneur et même la radiation de ses fonctions diplomatiques. Le chantage, toujours, quoi. Et c'est ainsi que le Catalan a accepté de rendre quelques services aux Soviétiques qui, en échange, se montreraient de fervents partisans de sa candidature à la présidence du CIO. Mais quel service a-t-il pu rendre ? Le premier est notable. Samaranch a tout fait pour sauver les Jeux Olympiques de Moscou, menacés par le boycott des Occidentaux. En outre, le Catalan a aussi pesé de tout son poids pour que le bloc de l'Est accroisse son influence au sein du mouvement sportif. Et puis, je vous parlais du dopage. Eh bien, Samaranch s'est abstenu de s'intéresser de trop près aux pratiques des entraîneurs des pays de l'Est. Mieux, il a permis que le directeur d'un laboratoire est-allemand fasse partie de la commission médicale du CIO. Ouais, en effet. Et d'autres services encore ? Oui, lorsqu'à l'occasion des Jeux Olympiques de Salt Lake City, des dirigeants sportifs issus de l'ancien bloc de l'Est ont été mêlés à un énorme scandale de corruption, Samaranch s'est entremis en leur faveur. Alors qu'ils allaient être virés. Oui. Hein. Ouais. Enfin, ce n'est pas le moindre service qu'il a rendu à ses anciens amis du KGB. En 2007, Samaranch, qui n'était plus président, mais qui conservait une grande influence au sein du CIO, a joué un grand rôle dans l'attribution des Jeux d'hiver de 2014 à Sotchi, une ville qui est si chère à Vladimir Poutine. Sur les rapports de Samaranch avec le KGB, il ne semble guère y avoir de doute. Quant à l'affairisme qui règne désormais en maître au CIO, j'ai trouvé ces quelques lignes de l'ancien journaliste Raymond Pointu, extraites de son livre « L'héritage trahi » que j'ai déjà cité. Sur le mur d'honneur du hall d'entrée du musée olympique de Lausanne, ne figure pas une pensée de Pierre de Coubertin, mais, gravée dans la pierre, les noms des multinationales Coca-Cola, IBM, Kodak, Adidas, Hitachi, Toshiba. Coût de l'opération, 41,8 millions de dollars. Du grand art commercial, le cœur de Coubertin repose à Olympie, est-ce à Wall Street qu'il conviendra de déposer l'urne contenant le vôtre, a demandé dans une lettre ouverte l'académicien français Maurice Druon à Juan Antonio Samaranch. À samedi prochain sur franceinter.com. Comme d'habitude, vous pourrez réécouter cette émission et nous écrire. Rebecca de Nantes a préparé cette émission avec Pierre Firsion. Merci aussi à Michel Billou, Lucien Penaud et Monsieur Joub qui a ajouté cette petite musique. Et tout de suite après, le flash, c'est au de mon amour de Denis Chessou.